Ma guap pas, tu me fais de l'effet. Tes yeux brillent comme un soleil d'été. Ma guap pas, tu me fais de l'effet. Mais pas assez pour que tu sois habité. Elle voulait passer sa vie dans mes bras. Moi je la voulais que pour une nuit dans mes draps. Elle veut plus d'amour, moi plus de love. Elle me dit que je suis un le sac, que je suis mauvais. Ne t'attache pas trop à moi. Je ne te dirai jamais diamant. Je te décevrai plus que fois. Et tu voudras me faire la peau. Je ne vais pas le nier. La première fois que je t'ai vu, tu m'as piqué. Tout est allé si vite. J'ai pas eu le temps de t'expliquer. Je ne vais pas le nier, la première fois que je t'ai vu, tu m'as piqué. Tout est allé si vite, j'ai pas eu le temps de t'expliquer. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Chérie, t'es belle, mais moi je veux la maille, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Chérie, t'es belle, mais moi je veux la maille, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Chérie, t'es belle, mais moi je veux la maille, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Chérie, t'es belle, mais moi je veux la maille, aïe, aïe. Sol King Mert kaymış Digan Rap das ist Dortmund Paris 9 mm Habib, das ist dein Spitzname. Ich kaufe dir ein Kleid von meiner Gig-Gage. Reserviere eine Suite für dich in Ritz-Karten. Willst du mich verarschen? Wie, du willst nicht blasen? Seh dich in der ersten Reihe, schreien auf meiner Tour. Ich kaufe dir eine geile Uhr und zeige dir den Eiffelturm. Jetzt sei nicht du und schieß immer kein Eigentor. Ich weiß doch ganz genau, du stehst auf Michael Kors. Ich bin ein Arsch und mach dir keine Komplimente. Mach dir keine Hoffnung, denn das mit uns beiden hat ein Ende. Das ist alles nur für eine Nacht, ohne Liebe und Leidenschaft. 14. Etage, 5 Steine, wir sind beide nackt. Ja, ja, ja, ja, sie kennt alle Tracks und die Feeds. Sie rappt alles mit, kennt den Text und die Beats. Nach jeder Hook ballert sie ein Sex on the Beach und vergisst ihren Ex, den sie liebt. Heute ist mein Tag. Chérie, t'es belle, mais moi je veux la maille, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Chérie, t'es belle, mais moi je veux la maille, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Chérie, t'es belle, mais moi je veux la maille, aïe, aïe. Was, dass du nicht so eine bist. Angeblich bist du ja gar kein Groupie. Sag mir mal, was bist du eigentlich? Was los? Yeah. Das hier ist KIK. Was los? Yeah. Yeah. Kunde ist König. Ich hab all das hier für euch gemacht. So oft unterwegs. Ich kenn inzwischen jede deutsche Stadt, jede Autobahn. Jetzt müsst ihr kaufen da draußen. Für euch ist mein Auto 270.000.